La Bretagne de Jules Michelet. Revue des Deux Mondes, Paris 1833. La Bretagne, fragment. Le morceau que l'on va lire fait partie d'une description de la France placée en tête de l'histoire de France par M. Michelet. Cet important ouvrage doit paraître dans un mois. On l'a dit, Paris, Rouen, Le Havre sont une même ville, dont la Seine est la grande rue. Éloignez-vous au midi de cette rue magnifique, où les châteaux touchent aux châteaux, les villages aux villages, passez de la Seine inférieure au Calvados et du Calvados à la Manche. Quelle que soit la richesse et la fertilité de la contrée, les villes diminuent de nombre, les cultures aussi, les pâturages augmentent. Le pays est sérieux, il va devenir triste et sauvage. Aux châteaux à laitiers de la Normandie vont succéder les bas manoirs bretons. Le costume semble suivre le changement de l'architecture. Le bonnet triomphal des femmes de Caux, qui annonce si dignement les filles des conquérants de l'Angleterre, s'évase vers Caen, s'aplatit des Villedieu. À Saint-Malo, il se divise et figure, au vent, tantôt les ailes d'un moulin, tantôt les voiles d'un vaisseau. D'autre part, les habits de peau commencent à l'aval. Les forêts qui vont s'épaississant, la solitude de la trappe où les moines mènent en commun la vie sauvage, les noms expressifs des villes, Fougères et Rennes, Rennes veut dire aussi Fougères, les eaux grises de la Mayenne et de la Vilaine, tout annonce la rude contrée. C'est par là, toutefois, que nous voulons commencer l'étude de la France. L'aînée de la monarchie, la province celtique, mérite le premier regard. De là, nous descendrons aux vieux rivaux des Celtes, aux Basques ou Ibères, non moins obstinés dans leurs montagnes que le Celte dans ses landes et ses marais. Nous pourrons passer ensuite aux pays mêlés par la conquête romaine et germanique. Nous aurons étudié la géographie dans l'ordre chronologique et voyagé à la fois dans l'espace et dans le temps. La pauvre et dure Bretagne, l'élément résistant de la France, étend ses champs de quartz et de schiste depuis les ardoisières de Châteaulin près Brest jusqu'aux ardoisières d'Angers. C'est là son étendue géologique. D'Angers à Rennes, c'est un pays disputé et flottant, un « border », comme celui d'Angleterre et d'Écosse, qui a échappé de bonne heure à la Bretagne. La langue bretonne ne commence pas même à Rennes, mais vers Elvin, Pontivy, Loudéac et Châtelaudrin. De là, jusqu'à la pointe du Finistère, c'est la vraie Bretagne. La Bretagne bretonnante, pays devenu tout étranger au nôtre, justement parce qu'il est resté trop fidèle à notre état primitif. Peu français, tant il est gaulois, et qui nous aurait échappé plus d'une fois si nous ne le tenions serré, comme dans des pinces et des tenailles, entre quatre villes françaises d'un génie rude et fort, Nantes et Saint-Malo, Rennes et Brest. Et pourtant, cette pauvre vieille province nous a sauvés plus d'une fois. Souvent, lorsque la patrie était aux abois et qu'elle désespérait presque, il s'est trouvé des poitrines et des têtes bretonnes, plus dures que le fer de l'étranger. Quand les hommes du Nord couraient impunément nos côtes et nos fleuves, la résistance commença par le Breton nommé Noé. Les Anglais furent repoussés au XIVe siècle par Du Guesclin, au XVe par Richemont, au XVIIe poursuivis sur toutes les mers par Du Guesclin. Les guerres de la liberté religieuse et celles de la liberté politique n'ont pas de gloire plus innocentes et plus pures que Lannou et la Tour d'Auvergne, le premier grenadier de la République. C'est un Nantais, si l'on en croit la tradition, qui aurait poussé le dernier cri de Waterloo. La garde meurt et ne se rend pas. Le génie de la Bretagne, c'est un génie d'indomptable résistance et d'opposition intrépide, opiniâtre, souvent aveugle. Témoin Moreau, l'adversaire de Bonaparte. La chose est plus sensible encore dans l'histoire de la philosophie et de la littérature. Le Breton, Pélage, qui mit l'esprit stoïcien dans le christianisme et réclama le premier dans l'Église en faveur de la liberté humaine, eut pour successeur le Breton Abélard et le Breton Descartes. Tous trois ont donné l'élan à la philosophie de leur siècle. Toutefois, dans Descartes même, le dédain des faits, le mépris de l'histoire et des langues indiquent assez que ce génie indépendant qui fonda la psychologie et doubla les mathématiques avait plus de vigueur que d'étendue. Cet esprit d'opposition, naturel à la Bretagne, est marqué au dernier siècle et au nôtre par deux faits contradictoires en apparence. la même partie de la Bretagne, Saint-Malo, Dinan et Saint-Brieuc, qui a produit sous Louis XV les incrédules Duclos, Maupertuis et La Mettrie, a donné de nos jours au catholicisme son poète et son orateur, Chateaubriand et Lamennais. Jetons maintenant un rapide coup d'œil sur la contrée. À ses deux portes, la Bretagne a deux forêts, le bocage normand et le bocage vendéen. Deux villes, Saint-Malo et Nantes. L'aspect de Saint-Malo est singulièrement laid et sinistre. De plus, quelque chose de bizarre que nous retrouverons par toute la presqu'île dans les costumes, dans les tableaux, dans les monuments. Petite ville riche, sombre et triste. Nid de vautours ou d'orfraies, tour à tour, île et presqu'île, selon le flux ou le reflux, tout bordé d'écueils sales et fétides où le varech pourrit à plaisir. Au loin, une côte de rochers blancs, anguleux, découpés comme au rasoir. La guerre est le bon temps pour Saint-Malo. Ils ne connaissent pas de plus charmante fête. Quand ils ont eu récemment l'espoir de courir sus aux vaisseaux hollandais, il fallait les voir sur leurs noires murailles avec leur longue vue, qui couvait déjà l'océan. À l'autre bout, c'est Brest, le grand port militaire, la pensée de Richelieu, la main de Louis XIV. Fort, arsenal et bagne, canons et vaisseaux, armées et millions, la force de la France entassée au bout de la France, tout cela dans un port serré, où l'on étouffe entre deux montagnes chargées d'immenses constructions. Quand vous parcourez ce port, c'est comme si vous passiez dans une petite barque entre deux vaisseaux de haut bord. Il semble que ces lourdes masses vont venir à vous et que vous allez être pris entre elles. L'impression générale est grande, mais pénible. C'est un prodigieux tour de force, un défi porté à l'Angleterre et à la nature. J'y sens partout l'effort et l'air du bagne et la chaîne du forçat. C'est justement à cette pointe où la mer, échappée du détroit de la Manche, vient briser avec tant de fureur que nous avons placé le grand dépôt de notre marine. Certes, il est bien gardé. J'y ai vu 1000 canons. L'on n'y entrera pas, mais l'on n'en sort pas comme on veut. Plus d'un vaisseau a péri à la passe de Brest. Toute cette côte est un cimetière. Il s'y perd 60 embarcations chaque hiver. La mer est anglaise, d'inclination. Elle n'aime pas la France. Elle brise nos vaisseaux, elle ensable nos ports. Rien de sinistre et de formidable comme cette côte de Brest. C'est la limite extrême, la pointe, la proue de l'ancien monde. Là, les deux ennemis sont en face, la terre et la mer, l'homme et la nature. Il faut voir quand elle s'émeut, la furieuse, quelle monstrueuse vague elle entasse à la pointe de Saint-Mathieu, à 50, à 60, à 80 pieds. L'écume vole jusqu'à l'église où les mères et les sœurs sont en prière. Et même dans les moments de trêve, quand l'océan se tait, qui a parcouru cette côte funèbre sans dire ou sentir en soi « Tristis usque ad mortem », c'est qu'en effet, il y a là pis que les écueils, pis que la tempête. La nature est atroce, l'homme est atroce, et ils semblent s'entendre. Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes et enfants. Ils tombent sur cette curée. N'espérez pas arrêter ces loups, ils pirraient tranquillement sous le feu de la gendarmerie. Encore, s'ils attendaient toujours le naufrage, mais on assure qu'ils l'ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache, promenant à ses cornes un fanal mouvant, a mené les vaisseaux sur les écueils. Dieu sait alors quelle scène de nuit. On en a vu qui, pour arracher une bague au doigt d'une femme qui se noyait, lui coupait le doigt avec les dents. L'homme est dur sur cette côte. Fils maudit de la création, vrai Caïn, pourquoi pardonnerait-il à Abel? La nature ne lui pardonne pas. La vague l'épargne-t-elle quand, dans les terribles nuits de l'hiver, il va par les écueils attirer le varech flottant qui doit engraisser son champ stérile et que si souvent le flot apporte l'herbe et emporte l'homme? L'épargne-t-elle quand il glisse en tremblant sous la pointe du rat, au rocher rouge où s'abîme l'enfer de Plogoff, à côté de la baie des Trépassés, où les courants portent les cadavres depuis tant de siècles? C'est un proverbe breton. Nul n'a passé le rat sans mal ou sans frayeur. Et encore, secourez-moi, grand Dieu, à la pointe du rat. Mon vaisseau est si petit et la mer est si grande. Là, la nature expire. L'humanité devient morne et froide. Nulle poésie, peu de religion, le christianisme y est d'hier. Michel Noblet fut, dit-on, l'apôtre de Bas en 1648. Dans les îles de Saint, de Bas, d'Ouessant, les mariages sont tristes et sévères. Les sens y semblent éteints. Plus d'amour, de pudeur, ni de jalousie. Les filles font, sans rougir, les démarches pour leur mariage. La femme y travaille plus que l'homme, et dans les îles d'Ouessant, elle y est plus grande et plus forte. C'est qu'elle cultive la terre. Lui, il reste assis au bateau, bercé et battu par la mer, sa rude nourrice. Les animaux aussi s'allèrent et semblent changer de nature. Les chevaux, les lapins, sont d'une étrange petitesse dans ces îles. Asseyons-nous à cette formidable pointe du Raz, sur ce rocher miné, à cette hauteur de 300 pieds, d'où nous voyons 7 lieues de côte. C'est ici, en quelque sorte, le sanctuaire du monde celtique. Ce que vous apercevez par-delà de la baie des Trépassés est l'île de Saint, triste banc de sable sans arbres et presque sans abri. Quelques familles y vivent, pauvres et compatissantes, qui, tous les ans, sauvent des naufragés. Cette île était la demeure des vierges sacrées qui donnaient aux Celtes beau temps ou naufrage. Là, elles célébraient leur triste et meurtrière orgie, et les navigateurs entendaient avec effroi de la pleine mer le bruit des cymbales barbares. Cette île, dans la tradition, est le berceau de Myrddin, le Merlin du Moyen-Âge. Son tombeau est de l'autre côté de la Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, sous la fatale pierre où sa Viviane l'a enchanté. Tous ces rochers que vous voyez, ce sont des villes englouties. C'est Douarnenez, c'est Is, la Sodome bretonne. Ces deux corbeaux, qui vont toujours volant lourdement au rivage, ne sont rien autre que les âmes du roi Gralon et de sa fille. Et ces sifflements, qu'on croirait ceux de la tempête, sont les cris aériennes, ombres des naufragés qui demandent la sépulture. À Lanvaux, près Brest, s'élève, comme la borne du continent, une grande pierre brute. De là, jusqu'à l'Orient, et de l'Orient à Quiberon et Carnac, sur toute la côte méridionale de la Bretagne, vous ne pouvez marcher un quart d'heure sans rencontrer quelques-uns de ces monuments informes qu'on appelle druidiques. Vous les verrez souvent de la route dans des landes couvertes de houx et de chardons. Ce sont de grosses pierres basses, dressées et souvent un peu arrondies par le haut, ou bien une table de pierre portant sur 3 ou 4 pierres droites. Qu'on veuille y voir des autels, des tombeaux, ou de simples souvenirs de quelque événement, ces monuments ne sont rien moins qu'imposants, quoi qu'on ait dit. Mais l'impression en est triste. Ils ont quelque chose de singulièrement rude et rebutant. On croit sentir dans ce premier essai de l'art une main déjà intelligente, mais aussi dure, aussi peu humaine que le roc qu'elle a façonné. Nulle inscription, nul signe, si ce n'est peut-être sous les pierres renversées de Loch Mariaker, encore si peu distinctes, qu'on est tenté de les prendre pour des accidents naturels. Si vous interrogez les gens du pays, ils répondront brièvement que ce sont les maisons des Corrigans, des Courtils, petits hommes lascifs qui, le soir, barrent le chemin et vous forcent de danser avec eux jusqu'à ce que vous en mouriez de fatigue. Ailleurs, ce sont les fées qui, descendant des montagnes, en filant, ont apporté ces rocs dans leur tablier. Ces pierres éparses sont toutes une noce pétrifiée. Une pierre isolée, vers Morlaix, témoigne du malheur d'un paysan qui, pour avoir blasphémé, a été avalé par la lune. Je n'oublierai jamais le jour où je partis de grand matin d'Auray, la ville sainte des Chouans, pour visiter, à quelques lieues, les grands monuments druidiques de Loch Mariaker et de Carnac. Le premier de ces villages, à l'embouchure de la sale et fétide rivière d'Auray, avec ses îles du Morbihan, plus nombreuses qu'il n'y a de jours dans l'an, regarde par-dessus une petite baie la plage de Quiberon, de sinistre mémoire. Il tombait du brouillard comme il y en a sur ses côtes la moitié de l'année. De mauvais ponts sur des marais, puis le bas et sombre manoir avec la longue avenue de chênes qui s'est religieusement conservée en Bretagne. Des bois fourrés, où les vieux arbres même ne s'élèvent jamais bien haut. De temps en temps, un paysan qui passe sans regarder, mais il vous a bien vu avec son œil oblique d'oiseau de nuit. Cette figure explique leur fameux cri de guerre et le nom de Chouan que leur donnaient les Bleus. Point de maison sur les chemins, ils reviennent chaque soir au village. Partout, de grandes landes, tristement parées de bruyères roses et de diverses plantes jaunes. Ailleurs, ce sont des campagnes blanches de sarrasin. Cette neige d'été, ses couleurs sans éclat et comme flétrie d'avance, afflige l'œil plus qu'elle ne le récrée, comme cette couronne de paille et de fleurs dont se pare la folle d'Hamlet. En avançant vers Carnac, c'est encore pis. Véritable plaine de rocs où quelques moutons noirs paissent le caillou. Au milieu de tant de pierres, dont plusieurs sont dressées d'elles-mêmes, les alignements de Carnac n'inspirent aucun étonnement. Il en reste quelques centaines debout, la plus haute à 14 pieds. Le Morbihan est sombre d'aspect et de souvenirs, pays de vieilles haines, de pèlerinages et de guerres civiles, terre de cailloux et race de granit. Là, tout dure, le temps y passe plus lentement, les prêtres y sont très forts. C'est pourtant une grave erreur de croire que ces populations de l'Ouest, bretonnes et vendéennes, soient profondément religieuses. Dans plusieurs cantons de l'Ouest, le saint qui n'exauce pas les prières risque d'être vigoureusement fouetté. En Bretagne, comme en Irlande, le catholicisme est cher aux hommes comme symbole de la nationalité. La religion y a surtout une influence politique. Un prêtre irlandais qui se fait ami des Anglais est bientôt chassé du pays. Nulle église, au Moyen-Âge, ne resta plus longtemps indépendante de Rome que celle d'Irlande et de Bretagne. La dernière essaya longtemps de se soustraire à la primatie de Tours et lui opposa celle de Dôle. Les nobles, ainsi que les prêtres, sont chers à la Bretagne, à la Vendée, comme défenseurs des idées, des habitudes anciennes. La noblesse innombrable et pauvre de la Bretagne était plus rapprochée du laboureur. Il y avait là aussi quelque chose des habitudes de clan. Une foule de familles de paysans se regardaient comme nobles. Quelques-uns se croyaient descendus d'Arthur ou de la fée Morgane et plantaient, dit-on, des épées pour limites à leurs champs. Ils s'asseyaient et se couvraient devant leur seigneur en signe d'indépendance. Dans plusieurs parties de la province, le servage était inconnu. Les domaniers et quevésiers, quelque dure que fût leur condition, étaient libres de leur corps si leur terre était serve. Devant le plus fier des Rohans, ils se seraient redressés en disant, comme ils font, d'un ton si grave, « Mes odeuxards armoriques, et moi aussi, je suis breton. » Un mot profond vient d'être dit sur la Vendée, et il s'applique aussi à la Bretagne. Ces populations sont au fond républicaines, républicanisme social, non politique. Ne nous étonnons pas que cette race celtique, la plus obstinée de l'ancien monde, ait fait quelques efforts dans les derniers temps pour prolonger encore sa nationalité. Elle l'a défendue de même au Moyen-Âge. Pour que l'Anjou prévalût au XIIe siècle sur la Bretagne, il a fallu que les Plantagenets devinssent, par deux mariages, rois d'Angleterre et ducs de Normandie et d'Aquitaine. La Bretagne, pour leur échapper, s'est donnée à la France, mais il a fallu encore un siècle de guerre entre les partis français et anglais, entre les Blois et les Montfort. Quand le mariage d'Anne avec Louis XII eut réuni la province au royaume, quand Anne eut écrit sur le château de Nantes la vieille devise du château des Bourbons « Qui qu'en grogne, tel est mon plaisir !» alors commença la lutte légale des États du Parlement de Rennes. Sa défense du droit coutumier contre le droit romain, la guerre des privilèges provinciaux contre la centralisation monarchique. Comprimée durement par Louis XIV, la résistance recommença sous Louis XV, et la Chalotais, dans un cachot de Brest, écrivit avec un cure-dent son courageux factum contre les jésuites. Aujourd'hui, la résistance expire. La Bretagne devient peu à peu toute France. Le vieil idiome, miné par l'infiltration continuelle de la langue française, recule peu à peu. Le génie de l'improvisation poétique qui a subsisté si longtemps chez les Celtes d'Irlande et d'Écosse, qui chez nos Bretons même n'est pas tout à fait éteint, devient pourtant une singularité rare. Jadis, aux demandes de mariage, le Basvalan chantait un couplet de sa composition. La jeune fille répondait par quelques vers. Aujourd'hui, ce sont des formules apprises par cœur qu'il débite. Les essais plus hardis qu'heureux des Bretons qui ont essayé de raviver par la science la nationalité de leur pays n'ont été accueillis que par la risée. Moi-même j'ai vu à T, le savant ami de Le Brigand, le vieux monsieur D, qu'ils ne connaissent que sous le nom de monsieur Système. au milieu de 5 ou 6 000 volumes dépareillés, le pauvre vieillard, seul, couché sur une chaise séculaire, sans soin filial, sans famille, se mourait de la fièvre entre une grammaire irlandaise et une grammaire hébraïque. Il se ranima pour me déclamer quelques vers bretons sur un rythme emphatique et monotone qui, pourtant, n'était pas sans charme. Je ne pus voir sans compassion profonde ce représentant de la nationalité celtique, ce défenseur expirant d'une langue et d'une poésie expirante. Fin de La Bretagne, fragment, revue des deux mondes, de Jules Michelet.